Amen. Nous allons partager trois vérités ci-après, tirées de ce passage. Première vérité, ne tenons pas compte de nos échecs passés, parce que Dieu peut renverser la tendance. Je vais dire à quelqu'un, peut-être que tu as subi des pertes, tu as subi des déceptions, tu as connu des échecs les années passées. N'aie pas peur, il ne faut pas te dire, je ne peux plus faire parce que comme j'ai échoué, j'échouerai toujours. Dieu ne t'a pas destiné toujours aux échecs. Dieu peut changer la tendance. Hier, c'était tes ennemis qui avaient le dessus sur toi, mais aujourd'hui, Dieu va te donner le dessus. C'est ce qui s'est passé. Nous avons vu hier comment la tribu de Benjamin avait le dessus sur les enfants d'Israël. C'est eux qui étaient méchants, ils ne voulaient pas livrer les gens qui ont diffamé, qui ont tué la concubine du Lévite. Mais nous voyons ici que la tendance se renverse. Et ils croyaient que, comme ils avaient battu les tribus d'Israël, ils seront toujours victorieux. Regardez ce qui se passe ici. Au verset 30, il est dit, « Les enfants d'Israël montèrent contre les filles de Benjamin le troisième jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. » Et les filles de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple. Ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois. Vous voyez, l'expression comme les autres fois, ça montre que les autres fois là, c'est eux qui dominaient. Et ils croyaient qu'ils allaient toujours dominer. Et ici même, nous voyons qu'ils ont commencé même à frapper 30 000 hommes. Mais les enfants d'Israël, comme ils étaient rassurés de la direction divine, ils n'ont pas considéré ces échecs. Ils n'ont pas fui parce qu'ils avaient la confiance que l'Éternel allait changer, allait renverser la tendance. Vous voyez ? Par la suite, nous voyons que la tendance a été renversée. Le verset 39 dit, « Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes. Ils disaient, « Certainement les voilà battus devant nous, comme dans les premiers combats. Cependant, une épaisse colonne de nuée des fumées commençaient à s'élever de la ville. Les Benjamites regardèrent derrière eux. Voici de la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant les désastres qui allaient les atteindre. » Vous voyez, donc les volte-face des enfants d'Israël, c'était une stratégie de guerre. Ils n'avaient pas abandonné. Et la suite nous montre que Dieu a renversé la tendance et c'était leurs ennemis, les Benjamites qui étaient vaincus, qui étaient battus. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, le Seigneur te dit, il va renverser la tendance. Tu étais toujours esclave des sorciers, des mystiques, ceux qui ont bloqué ta fécondité, ceux qui ont bloqué ta nomination, ceux qui ont bloqué ta prospérité. Dieu va renverser la tendance parce que leur pouvoir satanique sera brisé et ils vont te voir comment le Seigneur va t'élever au nom de Jésus-Christ. Deuxième vérité, laissons Dieu combattre en notre faveur. Lorsque tu es dans le combat là, si Dieu est de ton côté, tu seras victorieux. C'est important. Ici nous voyons qu'il s'agissait d'une guerre civile, c'est-à-dire entre les enfants d'Israël eux-mêmes. Mais la tribu de Benjamin est devenue comme une tribu ennemie aux autres tribus d'Israël. Mais Dieu était du côté des autres tribus d'Israël. C'est ce que nous montre ce passage. C'est pourquoi les autres tribus d'Israël étaient victorieux dans ce combat. Le verset 33 dit, « Tous les hommes d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar, et l'embuscade d'Israël se lança du lieu où elle était des marais Gibéa. » Verset 34, « 10 000 hommes choisis sur tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Le combat fut rude et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils allaient éprouver. » Mais le verset 35 dit, « L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent ce jour-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. » Vous voyez, on dit, c'est l'Éternel qui battit Benjamin. Cela veut dire que Dieu était du côté du camp des tribus d'Israël. Mon ami, lorsque tu es dans le combat là, est-ce que Dieu est de ton côté ou bien il est du côté de ton ennemi? Fais attention, il y a des gens qui prennent le risque de combattre des gens qui sont avec Dieu. Ne prenez pas le risque de combattre un homme de Dieu, une servante de Dieu qui marche avec Dieu. Parce que si tu le combats, sans le savoir, tu es en train de combattre Dieu et tu risques d'échouer une grande défaite. Je vais avertir quelqu'un, toi qui fais ta sorcellerie, tu fais le mysticisme, fais attention, ton travail c'est d'attaquer les hommes de Dieu, c'est d'attaquer les œuvres chrétiennes. Mais fais attention parce que ça risque de se retourner contre toi. Quand tu combats une œuvre chrétienne, tu combats l'église, tu combats un homme de Dieu, sache qui est l'Éternel Yahvé qui va te combattre. C'est ce qui s'est passé ici. Les Benjamites, ils ne savaient pas qu'en combattant contre Israël, ils combattaient contre Dieu. Et ici, on nous dit, c'est Dieu, l'Éternel, qui bâtit Benjamin devant Israël. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et avec lui, nous ferons des exploits. Troisième vérité, c'est Dieu qui inspire les stratégies de guerre. Et lorsque Dieu combat pour nous, il y a certaines choses que nous pouvons faire de nos ennemis. La Bible nous dit que c'est lui qui nous donne la force dans le combat. C'est lui qui nous donne la victoire. Il y a certains verbes ici qui devaient attirer notre attention. Nous devons comprendre dans le cadre du combat spirituel. D'abord, on nous dit au verset 42, ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël. Ils s'enfuirent par le chemin. Dieu fait tourner le dos à nos ennemis. Aujourd'hui, tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, fais tourner le dos à mes ennemis. Ils n'ont qu'à s'enfuir parce que Dieu les fait fuir. La Bible nous dit qu'ils viendront par un chemin, mais ils s'enfuiront par sept chemins. Est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que Dieu fait encore? Il nous rend capable de détruire nos ennemis. Ici, sur le plan spirituel, nous détruisons tout ce qui est fétiche, tout ce qui est péché, tout ce qui est envoûtement, sorcellerie. Vous voyez? La Bible nous dit, au verset 42, « Mais les assaillants s'attachèrent à leur pas. Ils détruisirent pendant les trajets ceux qui étaient sortis des villes. » Qu'est-ce que nous pouvons faire encore? Nous pouvons écraser nos ennemis. Le verset 43 dit, « Ils enveloppèrent Benjamin, les poursuivirent, l'écrasèrent. » Dès qu'il voulait se reposer jusqu'en face de Gibeah, du côté du soleil levant. Ça nous rappelle encore ce passage où Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance ennemie. Quand tu marches là, c'est-à-dire tu écrases, tu peux écraser les puissances de communisme, les puissances de maraboutage, les puissances de fétiche, tu peux les écraser parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons louer ce Dieu qui nous donne la victoire. Il s'appelle Yahvé Sabaoth, l'Éternel des armées. Chantons ce cantique pour sa gloire. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Maladie, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Chômage, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Célibat, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Stérilité, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Malédiction, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Maladie, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Oh, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. C'est lui, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Gloire à Dieu, élève ta voix là où tu es, béni c'est Dieu, le Dieu de victoire, il est puissant dans les combats, il est le Dieu de victoire. Juges 20, 29 à 48. Tu es le Dieu de justice. Tu es celui qui récompense les justes et qui punit les pécheurs. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, ô Éternel, notre Dieu, notre Seigneur. Sois béni, Seigneur, toi qui ne nous punis pas à cause du sacrifice de Jésus sur la croix. Oh, sois magnifié, notre Dieu, notre Seigneur, toi qui as fait de nous des membres de ta famille par Jésus. Oui, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Oh, sois béni, Jésus, toi, notre Seigneur et notre Sauveur, toi qui nous as sauvés par pure grâce, nous bénissons ton nom en ce moment. Nous te glorifions et nous t'élèvons. Merci, toi, le Dieu insondable, le Dieu vivant, le Dieu qui nous a sauvés par pure grâce. Que l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Notre passage du jour, c'est Juges 20. 29 à 48. Nous rappelons que vous pouvez réécouter cette émission sur notre site web parce que cette émission est rediffusée sur le net à 11h temps universel et à 20h temps universel. Notre texte c'est Juges 20, 29 à 48. Nous venons de voir ici que Dieu peut renverser la tendance. Ne tenons pas compte de nos échecs passés. Les enfants, les filles de Benjamin, ils croyaient qu'il allait toujours avoir le dessus sur les autres tribus d'Israël. Mais comme Dieu a combattu, la tendance s'est renversée. Tu vas prier le Seigneur pour dire, Seigneur, renverse la tendance. Jusque-là, j'ai demeuré dans les échecs. Jusque-là, je suis demeuré toujours dans l'humiliation. Mes ennemis ont toujours les dessus sur moi. Ils se sont moqués de moi. Ô Éternel, renverse la tendance au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Amen. Nous venons de voir ici que si Dieu est de notre côté, nous serons victorieux. Parce que si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. C'est pourquoi il te demande de lui laisser combattre en ta faveur. C'est lorsque les tribus d'Israël ont laissé Dieu combattre qu'ils étaient vainqueurs sur les tribus de Benjamin. Prie le Seigneur afin que lui puisse combattre en ta faveur, qu'il combatte tes ennemis au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Bénissons ton nom ce matin parce que tu es notre appui, tu es notre abri, tu es notre forteresse, tu es celui-là qui combat pour nous, notre goël, notre rocher, notre puissant guerrier, notre pourvoyeur et notre protecteur. À toi la gloire ce matin puisque tu demeures dans ta parole. Malgré notre infidélité, tu demeures fidèle. Selon Exode 14, verset 14, quand les enfants d'Israël étaient poursuivis par Pharaon et toute son armée pour les ramener, ô Dieu, en esclavage, ô Seigneur, devant la mer rouge, notre Dieu, tu as dit à Moïse, restez tranquille car l'Éternel combattra pour vous. Et nous croyons que cette parole est encore d'actualité. C'est dans la prière, c'est dans le jeûne, dans les pleurs, dans les veilles que nous allons remporter la victoire. Le calme, la tranquillité, le silence, c'est dans la prière. Et nous croyons que dans la prière, tu agis, tu te manifestes, tu te glorifies. Parce que tu as dit, celui qui nous a touché les prunelles de tes yeux. Tu nous gardes comme une poule garde ses poussins. Qui peut nous arracher de ta main? Nos biens que nous les avons reçus de ta part pour faire ton œuvre, pour s'occuper de notre famille. Et faire ton œuvre. Donne gloire à ton nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que c'est Dieu qui inspire des stratégies de guerre. Et lorsque Dieu nous inspire ces stratégies, il fait tourner les dos à nos ennemis. Il nous donne la capacité d'écraser nos ennemis. Il fait fuir nos ennemis. Il nous donne la puissance de détruire les œuvres du diable. Tu vas prier maintenant pour que tous ces verbes-là se conjuguent. Tu vas dire, Seigneur, fais plier les dos à mes ennemis. Fais-les fuir. J'aimerais écraser toutes les puissances de l'ennemi. Je veux détruire toutes les œuvres sataniques dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, dans mon quartier, dans mon pays. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Éternel des armées, ce matin encore, nous crions à toi parce que tu nous as investi de l'autorité en Jésus-Christ. Tu nous as donné le pouvoir. Tu nous as donné ta force. Tu nous as donné ton onction. Et ce matin, nous voulons, par le nom de Jésus-Christ, faire plier à tous nos ennemis la défaite. Nous voulons proclamer la défaite dans le camp de nos ennemis. Nous voulons que nos ennemis capitulent, fuient au devant de nous. Car tu es avec nous, tu combats pour nous. Quand Josaphat et son armée se sont engagés dans la louange, les ennemis d'Israël et de Josaphat ont été exterminés. Merci parce que tu extermines au devant de nous nos ennemis. Merci parce que tu détruis les plans d'ennemis devant nous. Merci parce que tu détruis les œuvres de la maladie. Tu détruis les œuvres du célibat. Tu détruis les œuvres de non-accomplissement. Tu détruis les œuvres de la sorcellerie au devant de nous. Tu détruis les œuvres mystiques. Tu détruis les plans de la sorcellerie, des mystiques, des spirites. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, pour le triomphe que tu donnes à quelqu'un dans son combat. Merci de nous exercer au combat et de nous donner le triomphe. Tu as donné le triomphe à Josué. Tu as donné le triomphe à Moïse. Tu nous donnes ce triomphe. Tu nous donnes cette victoire. Béni sois-tu, le Dieu de victoire. Le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Le Dieu qui était, qui est et qui vient. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, c'était OSB. Nous rappelons que ce dimanche 26 juin, nous aurons bonheur conjugal pour les célibataires à partir de 16h. L'entrée est libre. Nous poursuivrons le même thème, la guérison des blessures intérieures. Ne manquez pas ce grand rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien. C'était OSB. Au revoir et à demain. Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant.